Après quelques heures de conduite, il est normal d'être fatigué, surtout si on n'est pas entraîné à faire de longs trajets et tout particulièrement si on est encore un conducteur débutant. Lorsqu'il pleut, qu'il y a du brouillard, ou bien la nuit, ou encore lorsque le soleil est éblouissant, une fatigue visuelle apparaît à plus ou moins long terme qui nécessite de se reposer ou de passer le volant. La fatigue rend le conducteur nerveux, anxieux. Les gestes deviennent alors moins précis, moins rapides, et souvent une allure élevée est adoptée. Conduire est un travail, quand on ne peut plus le faire bien, il faut faire une pause pour vous et pour les autres. Réponse A et C.